À l'occasion des 56 ans du commencement de la direction de la révolution d'Osungun du général Kim Jong-il, le comité régional de Yangon du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar a envoyé le 19 une corbeille de fleurs à l'ambassade coréenne dans son pays. La corbeille de fleurs a été déposée devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il.